Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Voilà, boutique à la moto, ce soir. Sophie Akimi. Bébé Kero. Bébé Kero. Congolais, nous sommes amis. Yemena Congo Mboka na yo. chaque temps pour soi. Comme Moïse à la fête, il y a la si on a des socoles et calons par le bas. Vous aurez une division, fait bâtir et pour vous aussi on a l'estime. Attention, c'est pas mal. I'm sorry.